d'artillerie lourde dans ma bouche. Je le rappelle à chaque sonnerie. Je suis pas de ces rappeurs qu'on vous voit. J'ai pas besoin de voler une fois. Les fusils à poser nos voix. On remet ça encore une fois. Je te le dis des fois, la vie n'est pas une partie de plaisir. Mais mon bon son, j'agis toujours paisible. Une bonne bande d'imbéciles. Gros, si tu me cherches, je suis loin imbécile. S'agit d'instinct comme les chiens. Avance devant, on fait pas le show. Et si t'as pas le choix, plutôt la tête, mais gros, on veut pas lâcher. Notre rituel, c'est de faire du lourd. T'as juste à écouter mon blaze. Une connexion où je passe au pêche, je te jure, on fera kiffer mon gars. L'artillerie lourde et balancée. Appelle-moi gras du bidon, et petit con, faut faire grave du bifton. Si, si, ma gueule, gras du bidon, choqué. Okay. Ouais. Y'en a qui me prennent pour si, gros, c'est connard, tiré lourd. Je riposte avec un 16 tout de suite, je sors l'artillerie lourde. Mon texte, un chargeur, m'arrime une balle, ma bouche est calibre et je lâche des phases en rafale. Milliard, mon seigneur, elle calibre. Trop de galèche pour risque la calèche. Là, y'a pas de galache, les quatre galas, on file pas les patins pour un gala. Je m'empare du microphone, je le dégaine tel une calache. Entre les impacts de balles et le son, y'a un décalage. Notre artillerie, on te martyrise avec notre artillerie. J'aime trop faire un carnage, tire pas pour remplir ma tirelire. Quatre tout bas, pas tout calme, ça croque, c'est un bazooka. Tu peux pas le coucher, même si t'as pris un tazooka. Lance-missile, son texte personne l'anticipe. L'explosion laisse un nuage de poussière que le vent dissipe. On fait taire les bavards avec l'artillerie, on travaille. Gras du bide, SMSK sont des blases graves et dans le gravat. Encore une fois, je me pose sur le sang. Chillon calife l'artillerie lourde. Authentique, tu le ressens, c'est du bon qu'on a guéri, je trouve. Depuis peu de temps, je bouge ma tête, je fais des rencontres. Sorti nulle part, je représente. Dans le rap, j'ai fait un grand pont. Pour le premier pas, c'est pas mal tout de même. Vous méprenez pas, demain je serai là tout zen. On a posé l'artillerie, on kick avec gras du bide. Est-ce que t'as vu le risque? Si ça pète au rap usine, pas dans ta station ni dans ta chaîne ifi. Le rap que je fais rapporte que dalle. C'est pas grave, je m'y fais. Je dis souvent ça, mais notre but c'est se faire entendre. C'est décevant, je crois. Donc avancer, on le fait ensemble et faire en sorte qu'à l'écoute on ouïe en jouissant. Bougeant la tête et dire l'équipe pousse son style en puissance. Présent pour un saut mort, je suis devenu inarrêtable. Demande à Chilom, à un sourire, il arrête taille. Devant mon artillerie, alors cette fois je te sors mon artillerie. On martyrie, le martinet, pour éviter que je te martyrie. Mes artéries. On te met à poil comme un arturie. Et l'arturie, la frappe est froide. Déjà que mes premiers m'intéressent. Tu m'intéresses, hein. Non, je déconne, tu m'as pris. Tu m'intéresses. Bloqué dans des films comme Matrix. Tu m'as dit que c'était perdu d'avance. Que le disque serait trop discret dans ses ventes. Mais on s'est vite rendu compte du potentiel latent. Faut s'en servir pour rendre fiers nos potes au ciel latent. Ça tourne pour que ça pète. Et là, tu fermeras ta bouche. Et SMKS s'apprête à briser les tabous. Ça va tuer comme le tabac. On va te mettre à bout, ça va t'es comme des tarbas. Et tu marcheras comme un mec reboul. Allez, prends un Red Bull, car t'as perdu la pêche. À quoi sert de critiquer notre parole si après tu la prêches? La courbe est pleine d'orties, on a sorti l'artillerie lourde. Sans artifice et la tuerie, notre artimisme. Mais garde espoir comme un martyr à Lourdes. Le rituel sans déguisement, juste un truc qu'on est Guizman. Gras du bide de délire simple, dissipé ça reste sobre. On a le délit dans l'âme, raid admirable, ça pâtiraille. Les guerriers comme Attila, la haine coincée aux amygdales. Microclimat, faut que mes amis d'âme. L'artillerie lourde. Et t'as 28 pour t'en rendre compte. Les bêtos tournent, ouais. On baigne dans le vice et t'as rendre gronde. J'ai pris la plume du fond de la classe pour mettre la team au premier rang. Bien sûr que je plane, trouve pas ma place. Je balance ma rime imprégnée de rage. Ici le